Deux ménages par Paul Bourget. Chapitre 1er. J'étais en Amérique cet hiver-là, et quoique bien peu d'années se soient écoulées depuis lors, à peine 3, la différence d'atmosphère entre ce côté-ci de l'océan et l'autre est si totale qu'en évoquant du fond de mon paisible appartement parisien ce récent souvenir, je me donne à moi-même une étrange impression, celle de retourner en rêve dans un lointain, un fantasmagorique passé. Mais à cette époque, en février 1994, acclimaté depuis plus de 7 mois déjà, et pris tout entier par l'intérêt passionné de l'observation la plus nouvelle, c'était l'Europe, la vieille et rétrograde Europe, qui se noyait pour moi dans une vapeur de songe. Les traits inefficaces, soudain jetés en plein tourbillon d'une affolante activité, la fièvre américaine m'intoxiquait d'une véritable griserie. Tous les imaginatifs connaissent bien ce sentiment, qui tient de la suggestion et qui nous associe par crise, avec une fureur d'engouement plus tard inexplicable, à des formes d'existence contraires à notre plus intime nature, précisément parce qu'elles sont autres. À la période dont je parle, ce n'étaient ni les écrivains, ni les artistes, ni les philosophes d'Amérique qui m'intéressaient à ce degré. C'étaient les hommes d'affaires, ces prodigieux manieurs de dollars qui presque tous se sont faits eux-mêmes, et qui ont, en 10 ou 20 ans, conquis de leurs mains des fortunes et des puissances comparables seulement à celles des seigneurs féodaux du Moyen-Âge. Ces manias des chemins de fer, qui possèdent des 12, des 1500, des 2000 kilomètres de rails, ces potentats des mines de pétrole, d'argent ou de cuivre, qui chiffrent leurs bénéfices par des budgets régaliens, ces Napoléons de la bâtisse qui construisent à coups de volonté dans un désert des villes de 100 000 âmes, voilà les personnages dont j'approchais avec la délectation intellectuelle d'un naturaliste qui verrait marcher devant lui et vivre quelqu'un des grands sauriens d'avant le déluge. Ces exemplaires d'une humanité de conquête, réapparus dans de si modernes conditions de guerre industrielle et dans ce décor contrasté où la civilisation la plus raffinée baigne à même en pleine barbarie, me donnaient par leur seule existence des faits d'esprit d'une intensité singulière. Quand je revins des États-Unis, ce fut parmi mes enthousiasmes yankees celui dont mes amis d'Europe me plaisantaient davantage. J'ai d'autant plus de mal à m'en repentir que sans cette complaisance à regarder de près quelques échantillons de ces quasi-mendiants devenus des billionnaires, je n'aurais jamais assisté au drame moral que je voudrais raconter aujourd'hui et dont le pathétique mêlé de grotesque m'obsède souvent comme un symbole des étranges antithèses d'outre-mer. Je m'étais donc lié, entre autres sauriens de la spéculation, avec un certain Tennyson R. Harris, que la poésie de son premier prénom n'empêchait point d'être un des plus renommés parmi les hommes d'affaires d'un pays où il ne se compte plus. Mais pour expliquer comment je me trouvais entré dans l'intimité de cet homme vers les premiers jours de février 1994, au point de faire un long voyage en sa compagnie, il faut que je raconte d'abord comment je l'avais connu au mois d'août précédent. J'étais arrivé à New York à cette date porteur d'une lettre d'introduction que m'avait donnée pour sa femme une de mes amies de Paris. Elle m'avait dit « Je n'ai jamais vu le mari, c'est un sauvage, un butor, un Yankee pur sang, paraît-il, qui déteste l'Europe. Mais elle, vous verrez, elle a tout lu, tout compris, elle sait tout. Enfin, c'est une vraie Parisienne. Comment ne l'avez-vous pas rencontrée ?» Ce signalement, l'avouerai-je, ne m'avait pas rassuré. Je n'ai jamais eu beaucoup de goût pour les Parisiennes de Paris, au sens où mon interlocutrice employait ce mot, et quant aux Parisiennes de l'étranger, cette contrefaçon d'une contrefaçon, je ne leur pardonne guère de m'avoir gâté par leurs invitations tant de beaux voyages que je ne recommencerai plus. Et pourtant, je portais la lettre à Mrs. Harris aussitôt débarquée. Le choc reçu à la descente sur le quai de bois de New York avait été trop dur, et je cédais au désir de rencontrer une personne avec qui parler de ce Paris quitté avec tant d'allégresse. Oh, contradiction de la maladie du voyage! Je me revois encore, descendant d'un cab, par une brûlante après-midi, à l'extrémité de la 5e avenue, devant une construction en marbre blanc et dans le style du château de Blois, que l'on m'avait indiqué comme la demeure du millionnaire, et payant au cocher 2 dollars, un peu plus de 10 francs, pour une course de moins d'une heure. Dieu! Que la lèvre rasée de cet homme exprimait d'insolence, tandis qu'il empochait cet impôt sur l'étranger. que le ciel de cet été new-yorkais était étouffant, l'air irrespirable, que les magnificences des architectures improvisées le long de cette avenue me semblaient incohérentes, et formidable la vitesse des trains qui passaient à l'horizon sur les échafaudages à jour du chemin de fer élevé. Quel exil, et que je me sentais seul, si seul que d'apprendre l'absence de Madame Tennyson R. Harris et son départ pour sa villa de Newport me fut un malheur dans mon malheur. Je penserai autrement aujourd'hui. Cette absence fut la cause déterminante, je crois bien, qui me fit moi-même partir pour le Deauville américain presque aussitôt, et je me revois encore, 6 jours après ma première déconvenue, descendant d'un nouveau fiacre devant un autre palais, en marbre comme l'autre, mais situé à Newport, sur Narragansett Avenue, et donnant $3 cette fois pour une course d'un quart d'heure, enfin tirant de mon portefeuille la même enveloppe. Et de regarder seulement l'écriture sur l'enveloppe me renouvelait la nostalgie qui m'avait enserré le cœur à New York. Hélas, si j'avais compté sur la châtelaine de ce colossal bibelot de marbre pour me rendre la sensation de la douce, de la lente et paresseuse France, que je m'étais trompé. Mrs. Harris me reçut dans une espèce de boudoir vitré donnant sur la mer, où je retrouvais bien, dès cette première minute, une image de quelques-uns des salons que j'ai le mieux aimé à Cannes, mais c'était une image parodique par excès d'imitation, caricaturale à force d'outrance. Trop de gravures et de tableaux surchargeaient l'étoffe trop riche des murs, trop de fleurs et de trop grandes s'effeuillaient dans des vases trop précieux, trop de petits objets d'argent anglais brillaient sur les tables, parmi trop de photographies de princes et de princesses, toutes avec dédicaces. Et elle-même, Mrs. Harris, elle était presque trop belle, avec sa bouche trop rouge, aux dents trop nettoyées, ses mains trop poncées sous un abus de bague, et elle portait une toilette d'été tellement à la mode qu'elle semblait une femme affiche, la poupée animée qu'un costumier de génie aurait parée et astiquée pour l'exportation. Elle ne m'avait pas parlé un quart d'heure que je l'avais déjà trouvée trop avertie, trop au courant et vraiment trop parisienne, sachant trop que Madame de A est en train de rompre avec Madame de B, que les CD sont ruinés, qu'ils voudraient bien marier leur fille au fils des vieux E, malgré l'infâme origine de la fortune et la suite des innombrables ragots qui se débitaient à la même heure dans toutes les villas de Deauville, de Dieppe ou de Fontainebleau. Le roman à couverture jaune qu'elle coupait avec un couteau d'écaille incrusté de rose ne flamboyait pas encore aux vitrines des librairies quand j'avais quitté Paris. Ce couteau à papier, dernière création d'un joaillier de la rue de la Paix, c'était le colifichet de demain. Ce plaqué européen, dont Mrs. Harris et toute la maison étaient revêtues, n'eût pas été complet si je n'avais vu, au cours de ma visite, entrer dans le salon un personnage, lui-même habillé à Londres, avec une incomparable perfection d'anglomanie, le bouquet à la boutonnière, le visage rasé, impayable de sérieux bouffon dans ce rôle classique d'un viveur engagé dans une liaison qui vient tous les jours figurer sur un des fauteuils du salon de sa conquête. « Était-ce la peine de t'affronter, incorruptible océan ? » soupirai-je devant la mer avec un lyrisme exaspéré, en sortant de ce château de marbre, déjà l'esclave d'une invitation à dîner, « to meet » le tout Newport de la saison. Oui, était-ce la peine ? Et je longeai la magnifique promenade qui, parmi le vert gazon nourri d'embrun, contourne la falaise, en contemplant l'abîme mouvant et monstrueux sur lequel j'avais passé une semaine de demi-tempête pour venir constater que le suprême effort de cette infatigable et jeune démocratie est de copier en charge toute la misère intellectuelle et morale de nos sociétés finissantes. Ce fut pourtant à ce dîner, dont je maudissais d'avance la banalité imitatrice, que je rencontrai le premier qui m'est passionnément intéressé parmi les maréchaux de la finance américaine, Mr. Tennyson R. Harris lui-même. Quel dîner, d'ailleurs, à vous dégoûter pour toujours du luxe par son incroyable abus. Les fleurs seules, de ces roses appelées American Beauties, qui devaient bien valoir $1 pièce, représentaient la dépense annuelle de plusieurs petits rentiers français. La vaisselle en vermeil succédait à la vaisselle plate. Un service de Saxe digne d'un musée figurait après un service de Sèvres vert et or, marqué aux armes impériales. Un portrait de Louis XVI et de Marie-Antoinette, avec les inscriptions classiques données par le roi, données par la reine, apparaissaient sur les murs, tendus de cuirs espagnols d'une magnificence inouïe. Les 24 personnes assises autour de cette table, me dit un jeune diplomate français qui se trouvait là, valaient 1 milliard de francs, et toutes les toilettes des femmes étaient comme celles de Mrs. Harris, à la droite de qui l'on m'avait hospitalièrement placé, d'une si invraisemblable impersonnalité, par abus d'exactitude parisienne, qu'elle semblait une gageure. Sur ses épaules blanches ou ambrées, et dans les cheveux noirs ou blonds, étincelaient des diamants, des saphirs, des émeraudes, des rubis larges comme de l'ongle, des perles grosses comme des noisettes, le trésor de plusieurs rajas. Ces belles femmes avaient des teints fouettés par des heures de plein air. Elles buvaient du champagne sec en riant et parlant très haut, avec ce rien de nasillard dans la prononciation qui donnait à cette causerie, ainsi entendue d'ensemble dans cette salle à manger grandiose, la sonorité d'un babil d'oiseaux exotiques s'excitant contre les parois d'une gigantesque cage. Cependant, en face de la maîtresse de la maison, à l'autre bout de la table, un homme était assis, de mine chétive, sans âge, la face grise et comme plombée, la bouche serrée d'une contraction amère, les yeux ternes, avec une effroyable lassitude dans ses prunelles brunes, la fatigue d'une tension d'esprit prolongée 18 heures par jour durant 35 ans. Mr. Harris, car c'était lui, avait dû recevoir de la nature une constitution d'athlète. Ses épaules larges et son cou de taureau, ses mains puissantes et sa mâchoire de bouledogue, révélaient un tempérament qui avait suffi à une dépense d'énergie cérébrale visiblement surhumaine. Aujourd'hui, avant la cinquantaine, il était fourbu, comme un cheval de race après une course affolée. On m'avait déjà dit un peu partout qu'il souffrait d'une de ces maladies mystérieuses pour qui les médecins américains ont 10 noms nouveaux chaque année et qui sont tout simplement la rançon d'une existence de hard work à tuer un Européen en quelques mois. Cet état d'épuisement nerveux, « nervous exhaustion », comme ils disent encore, était la seule explication de la présence de Mr. Harris dans sa maison de Newport. Il n'y était jamais venu pour plus de 48 heures, du samedi soir au lundi matin, avant la crise de surmenage aiguë dont il souffrait cette saison. Cette fois, et par extraordinaire, il s'accordait une semaine de repos. Je le voyais bien en face, et son regard atone, qui semblait ne recevoir aucune impression de ce luxe prodigieux, son œuvre pourtant, sa chose. Un morceau de pain grillé, une aiguille de viande rôtie et un verre d'eau minérale, tel fut, ce soir-là, tout son dîner. Et tandis que ma voisine s'ingéniait à me continuer la chronique galante du Gotha, je me souviens que je me demandais « À quoi pense ce singulier homme ? Il est intelligent puisqu'il a vaincu tant de rivaux dans l'effrénée concurrence de ce pays-ci. Quel est le sens d'un effort qu'il continue, déjà touché par la mort ? Il n'en a pas pour 1 an. Il est sobre comme un bédouin du désert. Il n'a pas le temps d'avoir des maîtresses. Il paraît si simple. Que veut-il ? Étaler du luxe ? Il est habillé comme un commis. Recevoir ? Il n'est jamais là. Gâter sa femme ? S'il en était amoureux, il ne lui permettrait pas des fugues de 8 mois en Europe. Il serait jaloux de son attentif. Que je paierais cher pour écouter la petite parole intérieure qui se prononce derrière ce front gris à cette seconde. Chapitre 2e. Si j'ai rapporté ces impressions, sans grande originalité, étant donné qu'il s'agit des États-Unis, ce prodigieux paradoxe étalé, de l'Atlantique au Pacifique sous la forme de 60 millions d'habitants. Je l'ai déjà dit, c'est que ma première rencontre avec Mr. et Mrs. Harris forme un commentaire anticipé mais indispensable à l'épisode auquel j'arrive maintenant. 7 mois donc avaient passé depuis cette présentation à la charmante femme si parisienne et à son butor de mari. À peine avais-je revu 4 ou 5 fois Mrs. Harris, qui d'ailleurs était partie pour l'Europe aussitôt après le Horse Show, le concours hippique de New York. Au contraire, j'avais ébauché avec Mrs. Harris une demi-amitié, c'est-à-dire que j'avais, sous sa conduite, visité du haut en bas le Harris Building, une colossale construction de 18 étages, dressée à l'extrémité de Broadway, dans le voisinage de la Bartery, pour le compte d'une compagnie d'assurance fondée par lui, que j'avais parcouru en détail et à sa suite les salles d'administration de son chemin de fer, qu'il m'avait promené à 4 heures de New York dans les bâtiments d'une université de femmes créée et dotée par ses soins, qu'il m'avait fait dîner avec quelques politiciens de son parti, dont un était son candidat pour la prochaine élection présidentielle, que nous avions, dans une de ses fermes, assisté à un arrivage de chevaux venus de l'Ouest et expédiés par un de ses ranchs. Bref, il m'avait initié à ses multiples activités, avec cette bonhomie à la fois goguenarde et vaniteuse, si particulière au véritable Américain qui se réjouit de vous donner une leçon de choses dans sa propre personne, quitte à s'indigner si on ne le comprend pas comme il veut être compris. Sans doute, Mr. Harris avait été content du docile intérêt témoigné par mon ignorance de gallo-romain un peu badaud, car au mois de février, sachant que je me proposais de me rendre dans les États du Sud, il me proposa très simplement de voyager avec lui dans son wagon privé et par son train spécial jusqu'à la petite ville de Thomasville en Géorgie, où son médecin l'envoyait respirer pendant 15 jours parmi les pins. « Je suis broken down », m'avait-il dit, en se servant de l'intraduisible expression anglaise pour indiquer une nouvelle crise d'épuisement. Quand on est jeune, on a trop de force pour ses affaires, et quand on vieillit, trop d'affaires pour ses forces. Le médecin voudrait que je loue un yacht et que j'aille aux îles du Pacifique. 40 jours sans télégraphe et sans téléphone, ce serait délicieux. Mais les affaires, pendant ce temps-là... « Vous avez pourtant fait assez de dollars pour avoir le droit de vous reposer, » lui répondis-je. Il avait hoché du nez, avec une mimique de dégoût qui lui était habituelle, sans relever ma petite phrase prononcée avec intention. Les bonnes amies de Mrs. Harris m'avaient chiffré son budget à plus d'1 million de francs par an. Et d'autre part, j'avais à maintes reprises entendu, pendant mon séjour aux États-Unis, des rivaux de Harris lui-même pronostiquer des désastres à plusieurs de ces colossales entreprises. Je comptais sur ce voyage en Géorgie pour obtenir enfin quelques lueurs sur cet étrange homme. Visiblement, il achevait de se tuer à la tâche, avec quel sentiment pour la femme dont son acharné labeur soutenait le luxe insensé. Mais ni ce jour-là, ni durant les 48 heures que nous passâmes dans son wagon-salon en compagnie de 2 autres invités, un Mr. Julius W. Kingsley et un Mr. Alfred Beaumont, 2 parasites préposés à la partie de poker de chaque soir, le millionnaire manœuvre ne laissa échapper une seule phrase où sa personnalité sentimentale se laissa deviner. Quel souvenir singulier je garde de ces heures, de ma petite cabine installée avec une invraisemblable minutie de confort, de la chambre de bain attenante, de la salle à manger où nous nous réunissions pour déguster une délicieuse terrapine accommodée par un cuisinier noir dans un wagon-restaurant, dépendance plus grande affectée à l'office et aux domestiques. Les paysages de la Pennsylvanie tour à tour, puis des monts Allegheny et des 2 Carolines défilèrent devant les vitres du wagon. Ils s'arrêtaient, la nuit, dans des gares minuscules et sur des voies écartées pour nous laisser dormir. Le jour, balancés sur des fauteuils à bascule, nous lisions des journaux que l'on nous expédiait par train rapide. Le gigantesque express croisait notre petit train, ralentissant sa marche 1 seconde, et le cerf-frein nous jetait un paquet de tous les news, de tous les heralds, de tous les standards parus depuis le matin à New York, à Philadelphie, à Baltimore, à Cincinnati. Une bibliothèque de 200 volumes attestait par son choix avec quelle persévérance le maître et seigneur de ce wagon privé travaillait, dans le loisir forcé de ses voyages, à cette grande œuvre de sa culture. C'est le grand mot que les Américains ont toujours la bouche comme dans l'esprit, et ils l'appliquent avec un égal sérieux à la morale et à la gymnastique. « Ethical, physical, culture ». Il n'y avait pas un livre médiocre parmi ses ouvrages, presque tous relatifs à des recherches d'histoire ou de philosophie. Parmi les poètes, le choix du seul Shakespeare et parmi les romanciers du seul Thackeray révélait cet exclusivisme de goût qui est la vraie marque de la supériorité chez un homme auquel les heures de lecture sont à ce point mesurées. « Mais oui, » me disait Mr. Harris comme je l'interrogeais sur ses doubles préférences. « C'est mon poète et c'est mon romancier. Quand j'aurai bien fini de les posséder, j'en lirai d'autres. » Madame, c'est ainsi qu'il appelait toujours Mrs. Harris. Madame, elle connaît tous les écrivains nouveaux. Vous avez pu voir qu'elle a tout lu, tout compris. Elle est dans le train, comme vous dites. Moi, je souffre de toutes les dyspepsies et la dyspepsie littéraire est la plus difficile à guérir. » Se moquait-il de madame quand il exprimait de pareils jugements? L'admirait-il? Était-ce par ironie Était-ce par respect qu'il relevait, comme il fit plusieurs fois pendant ce voyage, à travers les journaux, les notes du bavardage social, social gossip, qui mentionnait les succès de Mrs. Harris à Cannes, où elle passait cette saison? Je me rappelle qu'il m'apporta ainsi, le second ou le troisième jour après notre arrivée à Thomasville, un numéro de gazette où il se trouvait une dépêche, avec cet en-tête fabuleux « Notre Mrs. Harris, toujours à la tête de la société. Mrs. Vincent joue les seconds violons. Our Mrs. Harris, always a leader in society. Mrs. Vincent plays the second fiddle. » Cette annonce précédait le détail d'une représentation donnée en l'honneur d'un prince régnant, avec le concours des premiers artistes du théâtre français. Mrs. Harris les avait mandés pour jouer la visite de noces devant l'Altesse par train spécial, elle aussi, et en les payant chacun 20 000 francs. C'était la réponse à une fête offerte au même prince par Mrs. Vincent, autre américaine millionnaire, à bord d'un yacht. Celle-ci avait fait venir de Paris un chanteur de café-concert pour quelques heures de l'après-midi, à un prix énorme. Mais Mrs. Harris, notre Mrs. Harris, avait vaincu. « Ah, madame a toujours eu un très grand sentiment de l'art, » me disait Mr. Harris. « Moi, je ne m'y entends pas du tout. Je sais voir quand un acteur est sur le théâtre qu'on met dans la vie l'espèce d'homme qu'il représente, c'est tout. Je vais voir aussi quand une peinture ressemble à l'objet qu'elle représente. Mais madame s'y connaît merveilleusement. » C'est elle qui, la première, a mis à la mode chez nous, M. de Resquet et Mme Duse. Son salon était rempli de vos peintres impressionnistes quand ils étaient encore discutés chez vous. Et puis elle a un talent pour recevoir. Je lui dis toujours, vous auriez dû être la femme d'un ambassadeur ou d'un prince. Moi, quand je ne suis pas malade, après avoir travaillé tout le jour, un fauteuil dans mon club, une pipe de tabac de Virginie, 2 ou 3 verres de soda et de whisky du Kentucky, and the goose hangs high, comme on disait dans ma jeunesse. » Il me citait ce proverbe, intraduisible et inexplicable, par lequel les Américains expriment le parfait bonheur. « Éloi est pendu haut. » En marchant avec moi de son palacé, par un beau matin de cet hiver de Géorgie, doux comme un printemps. Nous sortions de l'hôtel, le Mitchell House, une vaste construction de bois, à péristyle et à colonnettes, dans le style colonial, pour gagner la forêt. Autour de nous, le long de l'unique rue, se dressaient des maisonnettes de planches, grises et toutes habitées par des nègres. Les enfants noirs, à demi nus, jouaient comme de petits animaux sur le seuil de ces cases, où se tenaient des femmes et des hommes, dont le gai sourire enfantin disait l'indolence. Les pins térébintes à l'horizon surgissaient, sombres, serrés, remués par le vent tiède, qui du golfe du Mexique tout voisin balayait cet immense plateau couvert de végétation séculaire. Des blancs passaient, des garçons de 20 ans, à la figure déjà dure comme à 50, des hommes de 50 à la mine encore résolue comme à 20. Je regardais Mr. Harris, en songeant qu'il était vraiment le frère de ces âpres pionniers, venus dans ce coin perdu de Géorgie pour y faire ou y refaire leur fortune. Il n'avait hier encore ni plus d'éducation ni plus d'argent qu'eux. Son caractère profondément, intensément américain m'apparaissait une fois de plus. Par contraste, les villas de Cannes s'évoquaient devant ma mémoire, et toute cette existence d'oisiveté cosmopolite que menait sa femme au bord de cette mer si bleue, sur cette corniche où les princes et les aventuriers pêle-mêle rivalisent de prodigalité fastueuse. La fête à laquelle le journal faisait allusion se précisait pour moi jusqu'à la minutie. J'assistais en pensée à cette représentation de plus de 100 000 francs, improvisée pour humilier une rivale, et qu'avait payé un chèque signé par la main plébéienne de cet homme si mal mis, mon compagnon. Qu'elle était rude et forte, cette main, qui, à cet instant, rangeait le journal dans la poche du par-dessus avec un soin particulier, comme si Mr. Harris tenait à conserver cette preuve, après 1000 autres, des triomphes européens de sa femme. C'était une main aux doigts noueux, cordée de muscles et velus, avec des ongles carrés, et l'énergie d'une volonté de fer se devinait dans ses moindres gestes. Que de projets de contrat elle avait feuilleté, cette dure main, qu'elle avait tracé de chiffres, conclus d'actes de vente et d'achat. Un frisson de vanité la faisait-elle frémir, et tout l'homme avec, à l'idée de cette projection de pouvoir par laquelle, après tout, le mari de Mrs. Harris régnait à sa façon sur cette aristocratie du vieux monde où il n'entrerait jamais, mais y faisait régner sa femme? Ou bien, ce solide réaliste méprisait-il ce colossal et vain effort pour occuper une place dans l'Olympe du snobisme international, dont le plus clair résultat était cette note dans un journal, aussitôt oubliée que lue? Chapitre 3e. Il est probable que je n'aurais jamais répondu à cette question même de la manière la plus vague, sans une rencontre en apparence bien étrangère à l'énigmatique ménage de mes Césaris, si toutefois on peut donner le nom de ménage à de pareils rapports conjugaux. Un câblogramme tous les 8 jours et chaque 2 mois 2 pages de lettres. Un matin, comme nous sortions de nouveau pour nous promener dans le bois de pin, l'homme d'affaires et moi, nous pûmes lire, affiché contre la paroi vitrée du bureau de l'hôtel, l'annonce qu'un certain Mr. et une certaine Mrs. John Hope donneraient le soir même une représentation dans le hall commun. Ces sortes de divertissements sont quotidiens dans les hôtels d'Amérique, et ni Mr. Harris ni moi n'y eussions pris garde si le nom de la femme et celui de l'homme n'avaient été flanqués chacun d'une épithète, et si ces 2 épithètes n'avaient été contradictoires jusqu'à étonner même un inétonnable Yankee. Mr. John Hope était en effet qualifié de contorsionniste et Mrs. Hope de récitatrice. Le mari mime peut-être les poèmes récités par sa femme, dis-je à Mr. Harris, qui hocha de nouveau du nez pour me répondre. « Well, cela vaudra toujours autant que d'entendre Lohengrin chanter en allemand par les choristes, en italien par le ténor et en français par la prima donna. » Nous avions assisté ensemble dans la salle de l'opéra de New York à la représentation polyglotte que le millionnaire me résumait avec sa tranquille ironie. Madame était, bien entendu, une des fondatrices de ce théâtre où les plus admirables artistes d'Europe sont venus dialoguer chacun dans sa langue. Mais ce babélisme musical était beaucoup moins étrange que l'apparition du couple Hope, tel qu'il se produisit le soir même en présence de tous les habitants de l'hôtel sur le coup de 9 heures, le dîner fini. Comme d'habitude aux États-Unis, le hall commun de l'hôtel était une espèce de salon, soigneusement arrangé par la femme du propriétaire, une vraie dame qui dînait à quelques pas de nous dans le restaurant tous les soirs, en grande toilette, vis-à-vis de son époux en cravate blanche et en habit. Un tapis rouge couvrait le parquet de ce vestibule fashionable. Des tableaux et des photographies encadrées décoraient les murs. Des livres reliés garnissaient de petites bibliothèques basses. Partout, des fleurs s'épanouissaient dans des vases de Chine, de ces fraîches et vivaces fleurs des bois de Géorgie, des branches échevelées d'un chèvrefeuille qui pousse là-bas en énormes arbustes, des violettes larges comme des pensées, des roses aussi hautes que celles dont se paraient les tables de Newport. Sur les rockings et les chaises, les coussins de soie souple étaient noués de rubans. Un bout de broderie ici, ailleurs une étoffe joliment drapée, attestait le goût délicat de la jeune maîtresse d'hôtel qui, ce soir-là, se tenait au milieu de ses clients pour faire les honneurs du spectacle, auquel devait succéder une sauterie, exactement comme si nous n'eussions pas tous été en pension chez elle, qui a 6, qui a 10, qui a 15 et 20 dollars par jour. À l'exception de Mr. Harris, qui, en l'absence de sa femme, ne s'habillait jamais pour dîner, tous les assistants et toutes les assistantes réunis dans ce hall étaient, eux, en frac, elles, en robe ouverte, et comme à Newport, j'avais à écouter le bavardage de cette assemblée, en attendant le contorsionniste et la récitatrice, cette impression du jacassement d'une immense volière, jusqu'à la minute où Mr. et Mrs. Hope firent leur entrée, je n'oserais pas dire sensationnelle, et pourtant. Mr. Hope était vêtu d'un pauvre costume de pierrot en satin bleu, d'un bleu fané plutôt que pâle. Cette étoffe, souillée par la poussière d'innombrables séances pareilles, flottait autour de son maigre corps empli disgracieux. Ce n'était pas la sinuosité vivante du maillot qui sculpte en force le moindre geste des équilibristes et des jongleurs. En jugé par ses doigts maigres, sa nuque creusée et les cavités de ses joues, la soie collante eût dessiné un squelette si le pauvre homme avait eu le moyen de s'acheter cet élégant maillot. Il pouvait avoir 35 ans sur son extrait de naissance, mais la misère l'avait tellement usé qu'il n'avait réellement plus d'âge. Même si cette fantastique maigreur n'eût pas révélé une longue existence de détresse physiologique, l'amertume de sa bouche, l'expression de son regard, suffisaient à dire trop d'épreuves. J'ai su depuis par notre hôtesse qu'il relevait à peine de maladie. Il portait sous le bras, comme unique instrument de son métier, une robe de chambre de magicien, coloriée de couleurs vives, qu'il passa sur ses épaules aussitôt arrivé, et il commença un boniment d'une voix caverneuse, en faisant avec nervosité quelques pas, tantôt en avant, tantôt en arrière. La semelle de ses brodequins en peau, frottée de colophane, marquait ce piétinement en taches blanches sur le fond sombre du tapis. Il avançait et reculait ainsi, nasillant ses phrases et prodiguant les hyperboles sur le talent de Mrs. Hope, qui avait, disait-il, le génie combiné de Helen Terry et de Sarah Bernhardt, et qu'il appelait « the superior protagonist », la supérieure protagoniste. Celle-ci s'était assise sur une chaise, dans une toilette noire, constellée de pierreries, qui, vrai, eussent pris place dans les catalogues des joailliers entre le Régent, le Nassac, le Sancy et le Koh-i-Noor. Elle éventait avec maussaderie un gros et lourd visage aux traits assez réguliers, qu'éclairaient deux yeux très bruns, d'une insolence et d'une sottise agressive. Les coins de sa bouche tombaient dédaigneusement, et cette moue, ce menton volontaire, la morgue répandue sur toute sa physionomie, révélait une nature dont le trait dominant était la prétention, comme l'effort poussé jusqu'à la douleur faisait la caractéristique de son mari. Le contraste entre l'être intime de ces deux personnages apparaissait aussi clairement que le contraste entre leurs costumes. Comment allait-il s'arranger pour que la mimique de l'un s'adaptât aux récitations de l'autre ? Nous nous étions trompés, Mr. Harris et moi, sur la manière dont fonctionnaient les talents inappariables du couple Hope. Nous allions en avoir la preuve immédiate. D'ailleurs, ne suffisait-il pas de constater le stupide orgueil empreint sur le visage de la femme pour comprendre sa révolte contre toute immixtion de son mari dans l'effet d'art qu'elle entendait produire ? Le boniment fini, Hope s'était affaissée et elle s'était levée. Elle avança de quelques pas dans l'espace, réservé au fond du hall et qui figurait une scène. Un de ses bras se tend et elle commence d'une voix monotonement, absurdement solennelle, un interminable poème, de sa composition sans doute, dont je me rappelle les premiers vers. « Ô nuit, qui débarque, comme un pirate nègre parmi le sang du soleil tué, et chargé de pierreries qui brillent bleu et blanc sur ton pourpoint noir. » Et cela continuait sur le même ton, avec des images de plus en plus violentes, des métaphores de plus en plus forcées, pour finir par une comparaison entre le sort de l'homme injuste et l'agonie du sudit pirate nègre au matin, lorsque la pourpre de ses veines coule à son tour, sous le glaive d'or de l'aube, le justicier aux yeux bleus. Ces vers grandiloquents et d'un goût digne des pires symbolistes parisiens étaient débités avec de soudains éclats dans l'accent, une gesticulation saccadée, une outrance froide, dont la froideur était rendue plus sensible encore par le silence du public, visiblement stupéfié par le choix du morceau et par la manière dont il était déclamé. La vocifératrice, Mrs. Hope méritait vraiment ce surnom que l'on donnait pendant la Révolution aux harangueuses de foule, avait, en se rasseyant parmi deux ou trois bravos de complaisance, le visage crispé des acteurs malchanceux, navrant à la fois et grotesque. Il y a dans cette colère un si douloureux mais si puéril spasme de vanité blessée. Et ce fut d'un regard presque haineux qu'elle suivit son mari, debout maintenant à la place qu'elle venait de quitter. Le front soucieux, les yeux remplis de cette mélancolie où il entrait autant de résignation que de volonté, le contorsionniste dépouillait sa houppelande, et, le masque impassible, il frappait des mains, écartait les jambes, et s'asseyait dans cette posture surnommée par l'argot des gymnastes le grand écart. Il se relevait, se rasseyait, et debout sur les mains, commençait avec son corps la plus extraordinaire série de mouvements de dislocation auxquels j'ai jamais assisté. Voilà un garçon qui devrait se louer comme réclame à une compagnie de caoutchouc. Cette humoristique remarque, rédigée de cette façon commerciale par Mr. Harris, était vraiment la meilleure formule pour définir l'extravagante désarticulation de ce maigre corps. À voir ses reins se déhancher, ses jambes se contourner, ce cou se replier, toute la vertigineuse et cocasse folie de cet exercice s'accomplir sur place avec une vélocité de kinétoscope et une précision d'appareil télégraphique, on se demandait si l'on avait devant soi une créature en chair et en os, une physiologie d'animal vivant, des vertèbres attachées par de véritables muscles, des os jouant les uns sur les autres, ou bien un gigantesque pantin à face humaine, secoué d'une épilepsie factice par quelque mystérieux courant d'électricité. Et voici que pour finir, l'étrange personnage annonça qu'il allait exécuter le décapité. D'aplomb, sur ses jambes ouvertes, les mains aux hanches, il commença de faire rouler sa tête d'un mouvement de plus en plus souple, comme si les muscles de son cou perdaient peu à peu la force de la soutenir. À une minute, ce mouvement devint si facile, si automatique, qu'il semblait que réellement cette tête fût un objet inerte, ballotté sur un paquet de cordes mal nouées. Un dernier effort, un renversement, un petit geste des épaules, et le clown présenta son torse d'une telle manière qu'il sembla réellement sans tête. Ce ne fut qu'un éclair, mais l'illusion de cet horrible tour d'adresse était si forte que de toutes parts éclatèrent des applaudissements. La monstruosité falote de ce spectacle avait quelque chose de tragique et qui en sauvait la hideur, surtout pour ce public d'Américains et d'Américaines, rendu sensible par l'habitude constante du sport à la technique d'un tour de force, comme des escrimeurs aux délicatesses d'un beaucoup d'épées. Et l'on entendait les acclamations les plus bizarres saluer l'anomalie du talent de Hope. « Quite wonderful, isn't it? Enchanting, fascinating, lovely. » Rien de moins enchanteur, de moins fascinant et de moins aimable que ce désossement absurde d'un pauvre diable. Mais cet enthousiasme était après tout heureux pour lui, car il quêtait maintenant et les pièces d'un quart de dollar s'accumulaient dans sa sébile. Des billets de 5 et de 10 dollars s'y mélangeaient. Un de 50 couronna le tout quand il arriva devant mon compagnon. Mr. Harris avait paru suivre le contorsionniste avec un intérêt singulier qui ne sembla pas diminuer quand la récitatrice, une fois la quête finie, se leva pour déclamer de nouveau. Mon voisin était d'ailleurs presque le seul à l'écouter, car la voix de l'infortuné fut aussitôt couverte par le bruit des chaises et des fauteuils, chacun s'empressant de s'en aller pour gagner la piazza, comme on appelle la terrasse des maisons dans le sud, et respirer un peu d'air. La partie passionnante de la représentation était finie. La femme acheva son poème devant 6 ou 7 personnes à peine, qui applaudirent du bout des doigts. Elle et son mari saluèrent, et à notre tour, Mr. Harris et moi, nous gagnâmes, par cette douce nuit presque tropicale, le vaste jardin où les palmiers et les jasmins frémissaient sous la brise tiède. Je m'entends encore, lui disant, sans deviner la portée de mes propres paroles. Quel bizarre ménage que celui de cet acrobate réussi et de cette actrice manquée, n'est-ce pas? Elle avait l'air en fureur. Ne croyez-vous pas qu'elle est jalouse de son succès? Et lui, ne trouvez-vous pas? Il paraissait l'admirer et souffrir qu'on ne l'applaudît point. Chut, les voici, me dit mon compagnon en me touchant le bras. Le couple Hope débouchait en effet par une allée transversale. L'homme enveloppé maintenant d'un grand ulster par-dessous lequel passaient les jambes de son pantalon de pierrot, la femme drapée dans une mante noire, et il causait avec tant d'animation qu'ils nous frôlèrent sans nous voir. Elle disait d'une voix de rage « Quelle soirée! Quel public! Jamais, jamais plus je ne réciterai dans un hôtel. C'est votre faute. C'est pour assurer du succès à vos ignobles exercices que vous me forcez à paraître devant ces brutes. Je vous hais. Entendez-vous? Je vous hais. Saltimbanque, saltimbanque, abject saltimbanque, j'ai honte de vous. Ah, que j'en ai honte. » Il faut bien gagner notre pain, pourtant, répondait Hope d'un accent soumis, l'humble accent de l'amoureux qui demanderait pardon à la femme qu'il aime de la gêner, en mourant pour elle. Jamais vous n'avez plus de talent que ce soir, ajouta-t-il. Seulement ce poème était trop beau pour eux. Chapitre 4e. L'homme et la femme avaient passé, et j'entendis mon compagnon prononcer distinctement devant le couple qui s'éloignait ces 2 simples mots, avec une ironie qui achevait de leur donner une étrange profondeur. Quelle ilote! Et tout de suite je sentis qu'il me regardait pour savoir si cette imprudente exclamation m'avait frappé. La nuit était assez noire pour qu'il ne discernât rien sur mon visage, et nous continuâmes de causer, sans plus parler de ces bohémiens, où le millionnaire s'était complu ou attristé, quand savoir, à reconnaître la caricature grotesque de son propre ménage. Et aujourd'hui, lorsque je rencontre dans le compte-rendu de quelques fêtes le nom de Mrs. Tennyson R. Harris, veuve depuis 2 ans, cette soirée dans l'hôtel de Thomasville me revient toujours. Toujours, je revois le contorsionniste et sa femme, et les yeux amers et curieux de Mr. Harris, tandis qu'il les regardait. J'entends cette plainte, demi-gouailleuse, demi-désolée, la seule peut-être qu'il ait jamais poussée, ce ricanement plutôt qu'elle ilote. Et le drame de cette vie d'homme d'affaires, esclave du snobisme mondain de sa femme, comme le pauvre Hope l'était des prétentions artistiques de la sienne, et mourant à la peine comme Hope lui-même, s'éclaire pour moi d'un sinistre jour. Oui, Mr. Harris est mort 6 ou 7 mois après notre villégiature, sur le champ de bataille, frappé d'une attaque à la table de son office. Ses ennemis avaient raison. Il n'a laissé à Mrs. Harris que 3 millions de dollars, c'est-à-dire 500 000 ou 600 000 francs de rente. Quoique ce revenu soit loin de représenter les dépenses annuelles de cette charmante femme, pour nous autres Européens, il est encore sérieux. L'on parlait cet hiver de son prochain mariage à Cannes avec l'un des plus grands seigneurs de Rome et des plus ruinés, le prince d'Ardea, de la famille de Castagna, un arrière-neveu du pape Urbain VII. J'oubliais d'ajouter qu'à l'ouverture du testament de Mr. Harris, on a trouvé un legs de 50 000 $ à l'intention d'un Mr. John Hope, qualifié de contorsionniste. Les journaux américains ont commenté d'autant plus longuement cette excentricité du grand homme d'affaires que jusqu'ici, toutes les recherches de la police n'ont pu découvrir ni l'existence ni le lieu de résidence de ce mystérieux légataire. L'acrobate travaillait-il sous un faux nom? Est-il mort lui aussi? N'ouvre-t-il jamais un journal? A-t-il échoué dans le crime et la prison? Promet-il en Australie, au Japon, en Europe, son étrange gagne-pain? De toutes les ironies de cette simple histoire, n'est-ce pas la plus ironique et la plus touchante? Que le millionnaire n'ait pas pu franchir son îlot et qu'il y ait pensé avant de mourir? Ainsi s'achève Deux ménages de Paul Bourget.